det er noget godt ind. Un serveur ninja qui marche. Thank you. Ben, je m'en dos, moi c'est. Pas de soucis. Plus c'est la tonalité passe-partout, arrive à peu près à tout faire dessus. Mais c'est bon, hein, vas-y. Hein. Thank you. J'aime bien l'armo, mais tout seul, quand je joue tout seul sur scène, je peux pas jouer les deux. Jouer de l'harmonica, chanter, de compagnie, surtout avec un chromatique. Ça passe partout, à peu près dans n'importe quel style de zik, t'arrives à planter de l'harmonica. Jamais réussi à retenir la mélodie de cette chanson. Salute. Thank you. les mecs, je vous laisse, je vais au dodo. Il est l'heure. Bonne soirée. Thank you.